Mala, mala, melo. Hermana, famille Poupa, MHD. C'est ton amour pour me combler. Ma chérie, si tu savais toutes les galères que j'ai eues pour te trouver. De minuit à minuit, je pense à toi. La suite de ma vie, je la fais pas sans toi. Nalingi, nalingi, nalingi, oh. Trop de qualité, zéro défaut. Femme en diamant, c'est pas trop tôt. Matin, midi, comme le soir. Un sourire sincère quand je te revois. N'écoute pas les autres, vite à va vite. Mes sentiments vont partir très vite. Ma vie d'avant, je l'ai abandonnée pour toi. Passé Céline, mon théma. Pas sans toi, je te quitterai jamais, ma chérie. Pas sans toi, pas sans toi, je te quitterai jamais, ma chérie. Les problèmes. Ma chérie, c'est toi et moi, les autres on s'en fout. Juste un sourire, donne-moi de l'importance. Oublions le passé, pensons à l'avenir.